Donc maintenant récapitulons. La bataille de Badr, c'est Sourate Al-Anfal. La bataille de Uhud, Sourate Al-Imran. Les versets à partir du verset 120 de Sourate Al-Imran. Bani Nadir, c'est Sourate Al-Hasr. N'est-ce pas? Bani Qaynuqa, c'est l'un des premiers, le huitième verset